cette plage bleue, tu verras qu'il existe encore le vieux bateau où tous les amoureux se jurent la vie à la mort. Mais aujourd'hui, pour la première fois, je viens sans toi dans ce décor redire ces mots que tu chantais pour moi et qu'il me semble entendre encore. Mon bel amour d'été, je ne pourrai pas t'oublier. Mon bel amour d'été, toute ma vie je t'aimerai. Je sur cette plage grise, à écouter pleurer la mer, les vagues meurent et tristement se brisent.